Nous avons commencé en fin de dernière session à beaucoup parler de la question des mots et du sens des mots. Et en fait, c'est assez largement ce dont je vais vous parler, aujourd'hui, à la fois en utilisant la question des sources ou de la source dont il était question dans le dans la présentation du colloque, c'est-à-dire comment les mots ou comment un mot peut être d'une certaine façon une source pour quelqu'un qui souhaite comprendre quelque chose à ce phénomène de mondialisation ou de globalisation, mais également la façon dont un mot peut être d'une certaine façon une des sources au sens d'une des fabrications de cette mondialisation, c'est-à-dire en quoi est-ce que les mots aide d'une certaine façon à construire la réalité sociale. Je vous parlerai donc essentiellement d'un travail que j'ai mené pendant une dizaine d'années, une enquête sur un mot, c'est-à-dire essayer de retracer sur 2300 ans l'histoire des usages du terme de diaspora depuis sa création, en tout cas son apparition telle qu'on peut l'attester au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, dans le texte grec de la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec du texte sacré des Hébreux. Donc je vais revenir sur ce point après. Tout d'abord, vous donner un petit peu une idée de la manière dont on arrive à un travail comme celui-ci. Quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, toute fin des années 1990, c'est-à-dire dans un contexte post-thèse, que certains d'entre vous connaissent peut-être actuellement, on est assez désespérément en quête d'un deuxième sujet, quelque chose pour pouvoir poursuivre en espérant que ça conduira à une future carrière. Et j'étais tombé un petit peu par hasard sur ce terme de diaspora qui m'avait semblé assez étrange et surtout dont l'usage m'avait semblé assez étrange dans ce contexte des années 1990, à la fois en France et dans le monde anglophone, c'est-à-dire un terme qui connaissait d'un coup une espèce d'inflation absolument incroyable et qui me paraissait quand même un petit peu surprenante. Donc le travail avait commencé non pas du tout dans une optique de travail sur la mondialisation, absolument pas. Ça n'est venu que progressivement au cours de cette enquête. Deuxièmement, l'engagement dans cette enquête s'est fait d'une certaine façon à l'aveugle. Alors je sais qu'on ne devrait pas véritablement dire ça et plutôt apparaître comme quelqu'un qui sait exactement où il allait dès le départ. Ça n'était absolument pas mon cas. Très honnêtement, au tout début des années 2000, ce travail sur diaspora était censé être plutôt un travail théorique, conceptuel, consistant en gros à voir comment on pouvait se débarrasser du concept pour essayer d'en trouver d'autres qui pouvaient être plus éclairants si on souhaitait comprendre quelque chose à la fois aux dynamiques migratoires et aux dynamiques de ce qu'on peut appeler en gros de manière assez rapide les communautés émigrées ou les communautés d'immigration. Et le premier ouvrage que j'ai écrit sur la question, hein, Que sais-je sur les diasporas, est assez largement dans cette optique théorique. Assez rapidement, il m'est apparu que c'était quand même pas du tout le plus intéressant, et que le plus intéressant, c'était justement d'arriver à essayer de passer au-dessus cet élément théorique pour essayer beaucoup plus de s'engager dans une sorte d'enquête généalogique très longue, permettant de combiner la sociologie historique et d'une certaine façon ce qu'on appelle assez généralement une histoire de mots, pour essayer de voir quelle avait pu être l'histoire de ces usages et quel avait pu être l'impact de ce terme. En gros, je prenais la question à rebours pour essayer de comprendre comment il avait été possible à la fin des années 1990 que ce terme explose alors qu'on avait affaire à un terme qui existait depuis plus de 2000 ans. En gros, pour essayer de le résumer très rapidement, comment est-ce qu'un terme ancien avait pu devenir un concept récent? Ça a été, en quelque sorte, la direction principale de ce travail, dont je pensais très franchement qu'il n'allait pas être très long. C'est-à-dire pas long à mener et pas long en termes de volume. Il s'est avéré à la fois très long à mener, puisqu'il a pris 10 ans, et assez gros en termes de volume, puisqu'il a résulté, il en a résulté un travail, une habilitation à diriger des recherches de plus de 600 pages sur cette question-là, pour une raison très simple, c'est que de la manière dont j'avais essayé de le concevoir, et sur la manière sur laquelle je vais maintenant revenir, j'ai été obligé progressivement d'investir dans des domaines dont j'ignorais à peu près tout, et qu'il a fallu progressivement essayer d'amadouer, avec lesquels j'ai dû me familiariser tant bien que mal, en espérant ne pas écrire trop de bêtises là-dessus, pour donner une idée assez large des domaines en question. Cela allait de l'histoire juive à la théologie du christianisme et du protestantisme, en passant par la philosophie post-structuraliste, la lutte des Noirs américains pour l'obtention des droits civiques, etc., etc., plus progressivement les questions de mondialisation et globalisation qui nous occupent plus particulièrement ici. Alors, je vais essayer d'organiser mon propos de la manière suivante. D'une part, en vous parlant un petit peu de ce que j'ai essayé de créer en termes de méthodologie et d'épistémologie pour arriver à ce travail-là, je dis bien essayer de créer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre sur le long terme ce qu'on peut considérer comme étant la mondialisation d'un mot, mondialisation pouvant être ici comprise, aussi bien comme l'expansion géographique de ses usages, mais aussi comme l'expansion sémantique de ses usages, mais aussi pour tenir en quelque sorte en même temps les deux fils de la recherche, comment on peut étudier littéralement ce qu'on pourrait appeler un mot de la mondialisation, parce que je pense que diaspora est un des mots de la mondialisation, et pas simplement un mot anodin qui apparaît en quelque sorte en même temps, d'une façon hasardeuse ou accidentelle. Alors, cette enquête relève, si on peut dire, de ce que j'ai tenté d'appeler la socio-sémantique historique. Un terme bien barbare et assez laid, j'en conviens, mais pour essayer de rendre compte d'un certain nombre de dimensions que j'essayais de tenir ensemble, c'est-à-dire à la fois la dimension d'une historicité longue, il n'était pas question, en tout cas je ne l'envisageais pas, de me tenir à une certaine forme de synchronie, essayant de comprendre les usages contemporains de diaspora sans me donner les moyens de comprendre véritablement son historicité sur le long terme. Sémantique tout simplement parce que je considère que les mots en tant que tels n'ont pas d'histoire. La seule chose qui a une histoire, ce sont les usages des mots. Et que par conséquent, c'est par l'intermédiaire de ces usages, et donc par l'intermédiaire des sens qui sont accolés à ce mot-là, que l'on pouvait tenter d'en faire quelque chose. Et enfin, socio-sémantique historique, à la fois pour garder cette dimension de sociologie historique à laquelle je suis particulièrement attaché, mais aussi pour une raison sur laquelle je vais revenir, c'est que j'estime qu'il y a toute la question de l'effet social des effets sociaux que peuvent avoir les circulations sémantiques. C'est-à-dire un mot, quand il circule, il ne circule pas de manière neutre. Il produit des choses. Il a des effets. Il fabrique en quelque sorte de la réalité sociale. Et donc mon intention était de réussir à conserver cette dimension dans l'intitulé. Alors, de façon générale, le fait de s'attacher à un mot dont on essaie de retracer l'histoire ou l'histoire des usages, ce n'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. On peut faire remonter ça assez largement, y compris dans des études assez circonstanciées, de la fin du XIXe siècle sans aucune difficulté. Et il existe toute une panoplie de mouvements, tous plus ou moins différents, qui ont tenté de s'intéresser à cette question-là de l'articulation entre histoire, langage, mots, signes, sémantique, etc. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ces panoplies, de cette panoplie. Mais néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que généralement, ces mouvements académiques tendaient la plupart du temps à considérer que c'était les mots qui avaient une histoire et pas leurs usages, donc à postuler une sorte d'autonomie du mot même, comme si le mot en tant que tel avait une vie et circulait tout seul, nonobstant toute la prise en compte des médiateurs, des importateurs, de ceux qui l'utilisent, qui le transforment, qui le traduisent et qui donc nécessairement en déplacent le sens. Mais souvent également l'accent est mis sur une dimension particulière, que ce soit sur la synchronie, où l'on tente de comprendre, par exemple, le sens que peut avoir tel mot à telle époque, soit sur la diachronie, pour essayer de saisir un changement particulier, c'est notamment en grande partie l'axe qui est développé par l'abbé Griesgeschichte, donc celle de cette époque particulière, le Sattelzeit, au cours duquel justement des mots littéralement changent de sens, ou alors dans une analyse plus linguistique et lexicologique, on part du principe qu'il faut un corpus fermé, et à l'intérieur de ce corpus fermé, on épuise littéralement un terme. Ça n'était pas mon objectif parce que je pensais que ça ne correspondait pas, ça ne s'adaptait pas au chantier que j'avais envie de me donner et donc qui, je le dis pour la deuxième fois, tentait de vouloir articuler à la fois une historicité longue, d'autre part des prises en compte de moments synchroniques particulièrement importants, des sortes de nœuds dans l'évolution des usages du terme, et par ailleurs tenter de prendre en compte cette efficacité sociale du terme que j'ai essayé d'appeler dans l'ouvrage en question la formativité, pour bien la dissocier de la performativité d'Austin, qui au sens strict ne peut concerner que des verbes. Chez Austin, la performativité n'est liée qu'à des verbes, par conséquent un nom, un substantif ne peut, en tout cas pas dans l'optique d'Austin, être performatif. À partir de là, il y a toute une méthodologie, mais je dirais rétrospective, que l'on peut reconstituer. Je dis rétrospective parce que, très honnêtement, je suis parti littéralement à l'aveugle par rapport à tout ça, étant donné qu'il n'y avait pas et qu'il ne pouvait pas y avoir de corpus fermé sur 2300 ans, excepté pour le corpus grec, pour lequel on dispose effectivement de ce qu'on appelle le TLG, le Thesaurus Linguae Graecorum, Graecae, qui permet sur la période allant d'Homère à 1453 d'avoir la totalité du corpus connu en grec, et donc à partir de ce moment-là, on peut véritablement travailler en profondeur et en intensif à partir de ces textes-là. Pour le reste, il n'existe pas de corpus véritable. Donc je partais véritablement à l'aveugle, c'est-à-dire que tout était bon, littéralement, pour tenter d'avancer, d'où aussi le temps pris pour mener cette étude à bien. Si j'essaye de résumer très brièvement les points un petit peu méthodologiques de cette enquête, une sorte de premier principe que je m'étais donné, qui est le principe d'impartialité. C'est-à-dire, c'est un principe qui avait notamment été développé par David Bloor dans son programme fort de recherche. Et là, il me semblait particulièrement important, c'est-à-dire que je me refusais d'avoir une définition de ce que c'est qu'une diaspora. Parce que si je pars avec l'idée qu'il y en a une, je suis incapable de traiter des autres usages, parce que je vais nécessairement les considérer comme étant aberrants, justes, légitimes ou illégitimes. Par conséquent, j'ignore ce qu'est une diaspora et à la limite, je ne veux pas le savoir. Donc, principe d'impartialité. Deuxième idée, je savais qu'il allait falloir, dans un premier temps, déconstruire un certain nombre d'usages et d'histoires des usages du mot qui avaient déjà été écrites auparavant pour réussir à véritablement faire l'enquête. Parce qu'en fait, de la plupart des études qui avaient déjà été écrites sur ce terme au cours des 20-30 dernières années, la plupart recèlent énormément d'erreurs qui tiennent à la connaissance des langues, au fait que la plupart des gens qui écrivent là-dessus ignorent le grec, ignorent l'hébreu et sont donc incapables de faire les correspondances entre la Bible hébraïque et la Bible des Septante, et qu'à partir de ce moment-là, se créaient et se véhiculaient et se répercutaient et se transmettaient d'ouvrage en ouvrage des erreurs qu'il était nécessaire dans un premier temps de totalement déconstruire, sans pour autant partir du principe que le but de l'enquête était justement d'arriver en quelque sorte à la vérité. Je voulais simplement montrer que pendant l'Antiquité, l'usage de diaspora ne correspondait pas à ce que l'on en dit maintenant. Mais le deuxième temps de l'analyse consistait à essayer de comprendre, par l'intermédiaire de toute l'enquête, pourquoi on pouvait maintenant penser que dans l'Antiquité, cet usage avait été différent. Je m'explique très brièvement, je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que maintenant on a tendance à penser que diaspora n'était pas utilisée dans l'Antiquité uniquement pour décrire la situation du peuple juif, mais également pour décrire la colonisation grecque ? C'est une erreur linguistique, C'est-à-dire que ça n'a jamais été utilisé jusqu'au XVIIe siècle pour décrire la colonisation grecque en Méditerranée. Néanmoins, il y a un moment où on commence à écrire ça. Et cela correspond à un usage stratégique du terme consistant à essayer de le déjudaïser. Et en le déjudaïsant, c'est-à-dire en lui donnant une connotation positive, hellénique, et non pas simplement une connotation négative et juive, on rend possible son ouverture en tant que concept. Et à partir de ce moment-là, il devient de plus en plus possible de l'ouvrir à d'autres populations, puisqu'initialement, il n'était pas un apax, il n'était pas un concept servant à une seule population et à un seul exemple, mais il était déjà utilisé de manière duelle. Donc, déconstruction, reconstruction. Je vais passer sans doute très brièvement sur les autres principes méthodologiques. Je pourrais éventuellement revenir dessus au cours de questions pour peut-être me concentrer un petit peu plus sur l'intérêt finalement de ce terme-là et pourquoi justement il s'avère être un de ces mots de la mondialisation. D'une part, on a affaire à un terme d'une très très grande longévité. On a affaire à un terme qui existe pendant 2300 ans. Littéralement, on peut en trouver la trace pratiquement tout le temps pendant ces 2300 ans, parfois de manière effectivement très rare, il est vrai, mais il existe une véritable continuité. D'autre part, c'est un terme qui, on en a déjà beaucoup parlé au cours de cet après-midi, émerge dans le cadre d'une traduction, ce qui n'est pas non plus tout à fait anodin, donc il émerge dans le cadre de la traduction en grec de la Bible hébraïque, et dans le cadre d'une traduction qui immédiatement est validée comme étant une traduction valable, légitime, c'est-à-dire comme ayant exactement le même statut que le texte hébreu. Ce qui veut dire beaucoup de choses, ça signifie que le terme de diaspora contenu dans la Bible des Septante est un terme qui est validé par les autorités religieuses juives de l'époque, moins 3e siècle avant l'ère chrétienne, comme étant un terme valable religieusement. Or, c'est fondamental puisqu'il s'agit à cette époque-là d'un terme religieux. Pour aller très vite, diaspora décrit non pas une situation historique réelle, mais il décrit le châtiment qui attend les juifs s'ils ne respectent pas les commandements de leur Dieu. Il n'est jamais utilisé dans la Bible des Septante, les 14 fois où il apparaît, comme correspondant à l'exil de Babylone. Il n'est jamais utilisé comme une situation de migration réelle, il est toujours utilisé comme une dispersion à venir si il n'y a pas respect des commandements divins, et cette dispersion et ce châtiment est toujours assorti de la promesse renouvelée de l'élection du peuple juif, puisque si Dieu est appelé à disperser, c'est également Dieu qui est appelé à rassembler à la fin des temps. C'est-à-dire que cette malédiction ne fonctionne qu'avec une élection. On ne peut pas la comprendre autrement. Et ça n'est pas une malédiction stricte. La malédiction stricte, ce sera la manière dont le christianisme va s'approprier les termes de diaspora pour l'accoler aux juifs en considérant que leur dispersion est la preuve qu'ils ne sont pas le peuple élu. Et donc, ils font disparaître la dimension de l'élection. Donc déjà, 3 siècles plus tard, simplement, on a déjà un changement de sens extraordinairement fort. Troisième raison pour laquelle le terme est intéressant, c'est que pendant plus de 2000 ans, il va se maintenir dans un seul univers de sens, qui est l'univers religieux. C'est un terme qui ne relève que du domaine religieux, soit juif, soit chrétien, soit ensuite protestant ou catholique. Mais dans ces 4 religions, si l'on estime que le premier christianisme est distinct du catholicisme et du protestantisme, il va à chaque fois avoir une acception particulière, et non seulement une acception particulière, mais une véritable opposition parfois entre les sens qui lui sont, donnés. C'est-à-dire qu'on a déjà affaire à une polysémie. On a un même terme, mais en fait des acceptions qui sont déjà extraordinairement différentes. Donc ce terme, jusqu'au tout début du XXe siècle, en quelque sorte est un terme uniquement religieux. Ça n'est absolument pas un concept. Il n'est jamais utilisé pour décrire une population qui n'est pas, associée à une dimension religieuse particulière. Il faut attendre le tout début du XXe siècle pour que commencent à apparaître des occurrences où diaspora est utilisée d'une façon non religieuse. Et pendant tout le XXe siècle, on assiste à une lente conceptualisation du terme, c'est-à-dire sa lente sécularisation et sa lente transformation en un terme qui progressivement va prendre sens dans des univers différents et notamment dans l'univers académique. Mais cette conceptualisation lente, elle est avant tout caractérisée par l'indépendance des différentes séries conceptuelles. C'est-à-dire que généralement, quand il commence à rentrer dans une discipline, il va rester dans cette discipline. Quand il apparaît dans une autre discipline, il n'y a aucune cumulativité, aucune connectivité entre les deux. C'est-à-dire que ce terme est utilisé dans plusieurs disciplines, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire des religions, etc., à chaque fois avec un sens particulier, mais à aucun moment, jusque véritablement la fin des années 50 et le début des années 1960, à aucun moment on a affaire véritablement à un travail interdisciplinaire visant à le fonder comme un concept. C'est d'ailleurs une des choses qui était très très compliquées à mettre en œuvre dans l'enquête, c'était d'arriver à saisir. Parce que souvent on dit, bon voilà, l'important quand on fait une enquête comme ça, c'est la première occurrence. Donc quand est-ce que diaspora tibétaine apparaît pour la première fois? Quand est-ce que diaspora machin apparaît pour la première fois? C'est amusant au début, mais en fait c'est assez lassant à la fin, et surtout ça n'amène rien concrètement. Ça n'amène rien sauf quand on se rend compte, le plus important c'est, ça n'est pas tellement quand le terme apparaît pour la première fois. Ce qui est important, c'est quand ça prend. C'est-à-dire, c'est quand ensuite il y a reprise, quand il y a refonte, quand il y a opposition, critique, réaction. Là, il se passe quelque chose, effectivement. Et ce sont ces moments-là, en fait, qui étaient relativement compliqués à saisir. L'un des moments qui a été le plus important et qui, en gros, dont les conditions de possibilité on m'a occupé véritablement pendant plusieurs années et occupe du coup toute la deuxième partie de l'ouvrage, c'est la question de l'émergence de l'idée de diaspora noire ou de diaspora africaine. Parce qu'en fait, il fallait véritablement saisir quand est-ce que ça se mettait en place, quels effets ça pouvait avoir. Et là, on se rend compte qu'à la fin des années 1960, dans un contexte de fin de la lutte pour les droits civiques, dans un contexte de mobilisation de la cause noire américaine après le Civil Rights Act, c'est-à-dire émergence des Black Studies, c'est-à-dire ouverture des universités américaines aux étudiants noirs, on se rend compte que c'est à ce moment-là que véritablement commence à se mettre en place la revendication d'une diaspora noire et d'une diaspora africaine dans la constitution d'un corpus particulier visant à revitaliser la fierté noire. Et là, très clairement, quand ces militants et chercheurs noirs américains disent diaspora, ils créent littéralement l'espace de référence à l'intérieur duquel ils s'inscrivent immédiatement. Donc là, on a une dimension formative qui est particulièrement forte. Dernier, je termine là-dessus. Sur les 30 dernières années, j'ai identifié 4 versions concurrentes, encore présentes actuellement, des usages de diaspora. Extraordinairement différentes, puisque 2 sont littéralement aux antipodes l'une de l'autre. Une version centrée, généralement ancrée sur le paradigme juif, consistant à dire, en complète opposition avec l'histoire du peuple juif, mais je passe là-dessus, consistant à dire, en gros, voilà, la diaspora c'est un exil et cela doit cesser par le retour. Donc il y a un centre, il faut revenir au centre. Deuxième version, qui est la version décentrée, exactement opposée, dont le paradigme est beaucoup plus la diaspora noire ou la diaspora africaine, consistant à dire il n'y a pas de centre, il y a au contraire travail permanent, incessant sur la signification même de ce que cela veut dire qu'être noir ou qu'être africain. Et par conséquent, il n'y a pas de possibilité de rentrer quoi que ce soit. Diaspora n'est pas raciale, et dire diaspora noire, pour reprendre par exemple les termes de Paul Gilroy, ne veut pas dire la diaspora de ceux qui sont noirs. Ça signifie simplement l'espace culturel transnational à l'intérieur duquel se discute la signification de ce que c'est qu'être noir. Et troisième version, et j'arrive à la quatrième et je finis, je le promets. Troisième version qui se développe dans le sillage milieu des années 1990 d'une sorte de réorientation des travaux sur le développement avec la découverte de l'existence de ce qu'on va appeler les diasporas scientifiques et techniques. En gros, c'est le moment où toute la problématique du brain drain, donc de l'hémorragie des cerveaux, en quelque sorte, va être progressivement remplacée par toute la problématique du brain gain. C'est-à-dire, finalement, c'est bien qu'il y ait tous ces gens, tous ces étudiants qui partent, parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent, parce qu'en fait, ils se forment, et qu'ils peuvent, de l'extérieur, aider au développement du pays, via les remittances, donc les transferts d'argent, via la constitution de réseaux, ce que quelqu'un comme Jean-Baptiste Meyer appelle les diasporas scientifiques et techniques. Dans ce cadre-là, on voit qu'on a affaire à une sorte d'hybridation entre les versions centrées et décentrées. Il y a bien un centre, puisqu'il y a un pays, il y a un territoire, il y a un État, il y a un développement à mettre en place, mais d'un autre côté, il n'est pas nécessaire de rentrer. C'est-à-dire qu'on a un lien entre un centre et d'une certaine façon une nébuleuse existant autour et qui contribue ou peut contribuer au développement de ce pays. Et quatrième version qui m'amène très directement à la question de diaspora comme mot de la mondialisation, c'est la façon dont depuis le début des années 2000, diaspora est entrée dans le lexique des organisations internationales. Concrètement, lexique de l'Union européenne, mais surtout de l'Organisation mondiale pour les migrations, de la Banque mondiale et de ce qu'on appelle le GFMD, donc le Global Forum on Migration and Development. Et dans ce cadre-là, via un certain nombre d'experts, dont certains d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité, vont s'appuyer sur les travaux des chercheurs des années 80 et 90 pour définir ce qu'est une diaspora, ces différents experts de la World Bank ou de l'OIM vont développer une nouvelle conception de ce qu'est une diaspora visant à créer un lexique qu'ils vont imposer littéralement aux pays qu'on appelait en voie de développement, qu'on appelle ensuite pays les moins avancés, etc., ou pays émergents, tout ce que vous voulez. Et dans ce cadre-là se crée littéralement une nouvelle conception, une nouvelle définition qui s'impose aux États, que ces États sont plus ou moins obligés d'intégrer à l'intérieur de leur arsenal, conception dans laquelle on leur dit que finalement, une diaspora, c'est l'ensemble des gens qui, en remontant jusqu'à deux générations, relèvent de cet État et qui peuvent par conséquent l'aider à bâtir son développement et dont cet État doit obligatoirement assurer l'incorporation à l'intérieur de son architecture juridique. Concrètement, ce que dit par exemple la World Bank ou le GFMD, c'est il faut que vous créiez des politiques de diaspora, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sites internet, il faut que vous puissiez tolérer la double nationalité, il faut que vous ayez une représentation politique de ces populations à l'intérieur de vos parlements, il faut que vous ayez un service étatique ministériel qui peut les représenter parce que ces gens peuvent vous aider à forger votre développement. Il est évident qu'on voit bien à ce niveau-là le lien entre diaspora, développement et mondialisation, puisqu'on a affaire littéralement à la mondialisation d'un lexique via l'aplatissement, d'une certaine façon, et la banalisation d'une définition. Il est évident que cela correspond aussi à une stratégie de ces organisations internationales qui, de cette manière-là, peuvent se décharger d'une certaine façon du fardeau du développement en disant aux pays, à ces nouveaux pays ou à ces pays émergents, en leur disant, regardez, vous avez une manne qui est constituée littéralement par ces populations, profitez-en.